Ça fait un bout de temps qu'on n'en parle plus. Une série violente, bête, méchante et crue. 3000 épisodes en tout. Pour cet anime bizarre plein d'arts martiaux. C'est différent des Tortues Ninja. Mais pour les combats, il y en a autant, tu vois. De toute façon, voici l'histoire pas en vert. C'est la grande saga de Dragon Ball Z. Ça commence autour de Sangoku, un gamin tout petit qui a une queue de singe à son pantalon. Il va rencontrer Bulma, une fille aux cheveux bleus qui recherche les Dragon Ball pour se trouver un petit ami. Sangoku va l'accompagner pour la protéger et ainsi voir le dragon consacré. Ils vont voir Tortue Géniale, Plumé Yamcha et Oulunu trop de petits cochons. Les combats vont se succéder devant divers adversaires pour trouver le chemin qui mène aux épaules sacrées. Et quand le groupe finit par voir le dragon sacré, ils se sont barrés chacun de leur côté pour pouvoir vivre leur vie. Sangoku est parti chez Tortue Géniale pour s'entraîner à l'art du combat. Et durant des années, il s'entraîna. Après avoir vaincu Piccolo, le dieu des enfers, il devint un guerrier giga méga puissant, un guerrier appelé le sauveur des bons. Ça fait un bout de temps qu'on n'en parle plus. Une série violente, bête, méchante et cru, 3000 épisodes en tout. Pour cet anime bizarre plein d'arts martiaux, c'est différent des Tortues Ninja. Mais pour les combats, il y en a autant, tu vois. De toute façon, voici l'histoire pas en vert. C'est la grande saga de Dragon Ball Z. Final Flash, Makanko Sampo. Sangoku a grandi et il s'est marié. Il a eu un gosse, Sangohan, il est nommé. Et Sangoku apprend de par Vegeta qu'il est Saiyajin et que Namek était menacé. Il partit là-bas pour affronter Freezer, l'immonde Freezer, qui passe son temps à tuer tout le monde. Il y a aussi la bande de cyborgs, du Docteur Gero et celle de l'Horrip Cyborg biologique. Pendant tout ce temps, Sangohan s'entraîne pour devenir aussi fort que son père et ainsi l'aider à défendre l'humanité. Mais c'est l'assassin Sangoku et Gohan se retrouvent seuls à s'entraîner avec son petit frère Sangoten. Et ainsi débarque Dabidi, un affreux petit bonhomme énervant, qui débarque avec Bou et Daboula. Et arrivera le puissant Méga Bou, qui fera péter toute la planète. Et Broly dans tout ça, ça fait un bout de temps qu'on n'en parle plus. Une série violente, bête, méchante et crue. 3000 épisodes en tout. Pour cet anime bizarre plein d'arts martiaux, c'est différent des Tortues Ninja. Mais pour les combats, il y en a autant, tu vois. De toute façon, voici l'histoire pas en vert. C'est la grande saga de Dragon Ball Z. Après l'école, j'allais voir Dragon Ball Z. Kamehameha, Dragon Ball Z. Et à part ça, il y a quoi de plus zen ?